Une typologie weberienne du système traditionnel, hein, légitimité rationnelle, oui, c'est le système de légitimité rationnelle légale qui est couplé sur l'alliance du savant et du politique. On va avoir une grande variété, une nouvelle fois, d'interventions qui met en scène un grand nombre d'acteurs très, très différents. Je vous propose de présenter nos invités très brièvement et de leur laisser la parole en sachant qu'on garde le format 15 minutes. Hein. Voilà, avec le carton jaune et 13 minutes et le carton rouge 15 minutes. Et donc on accueille Patrick Neff, géographe, collaborateur scientifique, et Pauline Cantoreggi, qui est économiste du développement à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Et ensuite Gaëlle Ronsin, doctorante en sociologie à l'Université de Grenoble-Alpes, laboratoire STA, et Coralie Mounet, au laboratoire PAC. À Grenoble. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Je dois prendre le micro, hein, c'est ça ? Oui, c'est bien. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce colloque. Avec mon collègue, on va vous présenter en fait quelque chose qui va être dans la continuité des discussions de ce matin, puisqu'on va vous présenter les premiers résultats d'un projet de recherche sur l'inter- et la transdisciplinarité dans le développement urbain durable sur les programmes d'enseignement et de recherche de ces domaines. Quand je disais qu'on était dans la continuité, c'est que justement nous on prend un petit peu le problème par l'autre bout. À travers notre recherche, on va en arriver à questionner, enfin je vous lance le pitch, hein, final, hein, la légitimité des différents acteurs qu'on a pu interviewer dans ce projet. Alors ce projet s'appelle Closing the Loop, Enhancing Interdisciplinarity in Research and Teaching, donc CLEAR en plus clair. Hein. C'est un projet qui s'inscrit dans l'action COST, vous connaissez le réseau COST, hein, j'imagine, mais c'est l'action intrépide sur Interdisciplinary in Research Programming and Funding Cycles. Ce projet essaye de questionner les pratiques des équipes de recherche et d'enseignement en essayant de comprendre comment l'intégration des acteurs non académiques, mais dans les différentes phases des cycles des programmes de recherche et d'enseignement, qu'on va expliciter par la suite, peuvent transformer ou pas les pratiques, donc pour entrer dans ce que le professeur Thomas Lamarche a parlé tout à l'heure, des processus constituants finalement de transformation sociale. Alors, rapidement, à l'action COST intrépide, c'est justement pour comprendre les changements, essayer de créer des réseaux et de coopération, et de comprendre comment est-ce qu'on arrive à développer des solutions qui vont permettre l'interdisciplinarité. Notre équipe met en place un certain nombre de définitions, parce que évidemment l'inter et la transdisciplinarité, vous avez une pléthore de définitions, de pratiques et de manières de les comprendre. Donc nous avons décidé que d'après les définitions de Darbelay et Paulson, l'interdisciplinarité mobilise deux ou plusieurs disciplines instituées et vise leur mise en interaction dynamique pour décrire, analyser et comprendre la complexité d'un objet donné. Et la transdisciplinarité, essentiellement, on la comprend comme étant l'intégration des acteurs externes non académiques issus des milieux de pratiques professionnelles qui vont participer à la co-construction des connaissances. Donc voilà, ça c'est juste pour clarifier de quoi nous parlons dans ces différentes pratiques. Très rapidement, pour comprendre un petit peu le fond de l'objet de notre étude, on va essayer, à travers cette recherche, de boucler deux boucles. Une première boucle entre l'enseignement et la recherche sur les innovations pédagogiques, mais aussi sur les transformations des chercheurs, du comportement des chercheurs, à la fois sur l'enseignement et la recherche, mais également de manière plus large sur comment l'intégration à travers les différents cycles de la programmation des projets et des programmes, c'est-à-dire depuis le financement même, les institutions de financement, la sélection et la mise en place de ces projets, de ces programmes, et ensuite dans la mise en œuvre et finalement dans la diffusion, la dissémination des résultats, comment est-ce que l'insertion des acteurs non académiques pourrait changer les choses. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre finalement qu'à chacune de ces phases, il y a des modalités de participation de ces acteurs non académiques très différents. Et au niveau académique, le plus souvent, on a plutôt cette utilisation des experts non académiques plutôt comme des objets d'études, ou alors ils ne vont intervenir qu'au moment de la mise en œuvre du projet, de l'implémentation des projets, mais très peu dans les autres phases, c'est-à-dire à la fois dans la création des propositions de projets et également dans la dissémination des résultats. On en a parlé tout à l'heure au niveau de comment est-ce qu'on arrive à disséminer les résultats des recherches pour que justement ça soit des outils plus pratiques et qui soient utilisés et utilisables. Donc, l'ensemble de ces programmes vont essayer de comprendre justement l'utilisation et la reconnaissance de l'inter- et transdisciplinarité. Comment est-ce que la participation des experts non académiques vont influer en fonction du type de participation et varier selon les différents cycles du financement et de la programmation dans ces différentes phases. Je vais revenir brièvement sur les méthodes. Ce que je propose, c'est de ne pas m'attarder trop longtemps sur les méthodes. On pourra peut-être revenir dessus après si vous avez des questions, pour avoir un peu de temps aussi pour présenter nos résultats intermédiaires. Donc peut-être juste pour terminer, vu qu'on parle aussi de définition, ça pose bien sûr la définition de qu'est-ce que c'est qu'un acteur académique ou en opposition un acteur non académique. Donc là, évidemment, on est dans des définitions qui sont assez variables, subjectives. C'est des questions qu'on a posées à tous nos acteurs, justement, et on a vu qu'on avait vraiment un continuum de réponses. Alors pour ce qui est des méthodes, on a des méthodes assez classiques, des entretiens semi-directifs, des focus group, accompagnés de ce qu'on appelle une méthode Delphi. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec la méthode Delphi. C'est une méthode qui est plutôt issue du domaine de l'entreprise à la base et qui a été repris par les sciences sociales. Donc pour faire simple, on a un groupe d'acteurs, on va les appeler des experts. Là, en l'occurrence, on a réuni un groupe d'experts académiques ou non académiques associés au développement urbain, le développement urbain durable. Et l'idée, en fait, c'est que ces experts aient une réflexion sur une problématique donnée et que nous, en tant que chercheurs, cette réflexion s'établit en plusieurs étapes. Et nous, en fonction, avec notre rôle de chercheur, c'est de leur proposer, entre chaque étape, une analyse de contenu dans leur réponse. Et eux, ils vont pouvoir consulter, donc ces experts, cette analyse de contenu pour pouvoir orienter leur réflexion sur la base d'une synthèse de la réflexion des autres. Donc dans notre cas, on s'est basé sur une méthode mixte avec à la fois des questionnaires et des focus group. Donc on a commencé par envoyer des questionnaires. Sur la base, on a analysé la réponse de ces questionnaires. On a renvoyé notre analyse. Ils ont pu observer cette analyse. On a eu un focus group et ainsi de suite après un questionnaire et de nouveau un focus group. Et nous, en chaque étape, on leur proposait justement cette analyse de contenu. Donc un processus itératif qui leur permettait justement chaque fois de revenir sur leurs réflexions et puis d'orienter leurs réflexions. Alors ça c'était pour la méthodologie, juste quelques mots aussi sur nos outils conceptuels. Donc premièrement, voilà, nous on a adapté cette échelle d'Arnstein qui présente finalement de manière très simple, on part du non-participatif, on a différents degrés de participation jusqu'à ce qu'on pourrait parler de co-application. Un autre outil ici qui présente des types de collaboration d'un côté inter et d'un côté transdisciplinaire. Et évidemment, suivant où on se place sur ce graphique, on sera entre par exemple soft ou hard transdisciplinarity. Sur cette base, nous on a proposé ça lors de notre premier focus group, donc de cette associé à cette méthode Delphi. On a proposé, peut-être aussi juste pour préciser avant, que l'analyse des propos justement de nos experts s'est basée sur un codage finalement où on a identifie un certain nombre de mots-clés et le terme de légitimité est apparu de manière assez récurrente en termes de mots-clés. C'est pour ça qu'on a pensé que ça serait intéressant de présenter nos résultats intermédiaires dans ce colloque. Donc nous, ce qu'on a proposé à nos experts, c'est ce radar là, On en a proposé trois. Un qui était lié aux critères associés à cette transdisciplinarité, les limites qu'on pourrait associer aussi à cette transdisciplinarité, ainsi que les avantages de la transdisciplinarité. Et on a demandé à nos experts de s'exprimer là-dessus en mobilisant ces mots-clés et en les plaçant sur ce graphique en fonction de l'intensité l'intensité qu'ils associaient justement à ce mot-clé par rapport au 0 qui est une participation nulle et au 3 qui est une co-construction en fait. Donc si je prends un exemple, par exemple, et puis l'exemple de la temporalité qui est par exemple sorti ce matin, aussi assez récurrent, c'est nous, c'était clair que c'était une limite par exemple très importante à l'intégration d'acteurs non académiques. Donc là, par exemple, sur le radar limite, un expert allait placer s'il pensait que la temporalité était, ou par exemple la ressource temporelle même, était une limite importante, il allait le placer par exemple sur 0 pour dire que ça impliquait une non-participation. Donc, On a évidemment procédé par des entretiens, des études de cas basées sur des entretiens semi-directifs pour justement mettre en résonance des mots-clés qui sont sortis du Delphi et les mots-clés qui viennent de nos entretiens. Puisque l'idée, c'était justement de construire cette cartographie des avantages et des obstacles de la collaboration transdisciplinaire afin, évidemment, d'identifier les leviers d'action qui vont permettre de dépasser les limites associées à l'intégration des acteurs non académiques. Et à travers, d'arriver sans doute à une espèce de toolbox, de comment est-ce que les différentes pratiques ont mis en place des leviers d'action différents de solutions. Alors, juste très très rapidement, ça c'est les études de cas d'enseignement et de recherche qu'on a essayé, où on a interviewé des gens qui sont à la fois des académiques et des non-académiques. Dans les cas de l'enseignement, vous voyez qu'il y a donc les masters de développement territorial ou d'urbanisme, on a eu des études de cas en Suisse, bien sûr, en France, des études de cas qui sont beaucoup plus dans la formation continue ou encore en Belgique et qui sont aussi des études de cas qui sont liées à plusieurs territoires afin d'avoir une meilleure source de croisement des études de cas. Et dans la recherche, les entretiens ont porté à la fois sur les financements, les fonds qui finançaient les recherches, les différentes fondations de financement de recherche, mais également tout un ensemble d'entretiens autour de ceux qui faisaient la recherche, qui pratiquaient la recherche. Et donc, ça nous a permis d'avoir un panel d'interviewés qui étaient aussi bien des académiques que des non-académiques et appliqués dans différentes phases de ces projets ou de ces programmes d'enseignement. Alors, au niveau de ce qui nous intéresse ici, la synthèse de ces entretiens, c'est que finalement, au niveau de l'enseignement, par exemple, puisque c'est là où moi j'ai fait le plus d'entretiens, c'est l'expertise à la reconnaissance académique. Finalement, qu'est-ce qui se passe au moment où on met en place des collaborations transdisciplinaires pour l'enseignement du développement urbain durable, c'est-à-dire pour essayer de résoudre des problèmes complexes, pratiques de la société, mais que quelque part il y a cette image où il faut que ça soit fait par le monde académique, peut sans doute d'ailleurs par rapport à ce que Madame Champron disait sur cette expertise autour de la méthodologie et des manières, des outils développés pour répondre à ces différentes problématiques. Mais au niveau de ce qu'on a pu retirer de ces entretiens et qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'ensuite les experts ont pu dire dans les Delphi et ce qu'on a pu aussi entendre ce matin, c'est de comprendre qui s'implique et pourquoi, donc quels sont les acteurs de cet enseignement transdisciplinaire. Et on s'est rendu compte très très vite qu'il y avait des questions, des contraintes de temps, de temporalité, aussi bien que des contraintes institutionnelles qui se mettaient en place, c'est-à-dire que les rythmes de travail des experts non académiques et les rythmes de travail au niveau universitaire ne sont pas du tout les mêmes. Donc, de ce fait-là, les programmes ne peuvent pas être mis en place trop longtemps à l'avance ou avec toujours les mêmes experts, ce qui fait que, en fait, les attentes, on a très vite compris que les attentes institutionnelles des différents partenaires n'étaient pas les mêmes. Au-delà de ça, bien entendu, au niveau académique, la plupart des personnes qui s'investissent le plus dans l'enseignement transdisciplinaire sont souvent des gens qui ne sont pas des professeurs. reconnaissons-le, parce qu'au niveau du temps et de la temporalité, ils ont besoin de, ils ne peuvent pas s'investir autant. L'idée également, c'était que on a parlé de, surtout de l'interprofessionnalité et pas forcément de la transdisciplinarité dans les entretiens, c'est-à-dire que les conflits se situaient entre les métiers. Et donc l'urbaniste, le géographe, l'architecte paysagiste étaient tout autant en conflit qu'entre la question de l'académique et le non-académique. Et donc c'est là où s'est posée la question de la légitimité, pour quel rôle est-ce que chacun allait vraiment s'investir dans le programme. Et on s'est très vite rendu compte que s'il y avait une relation de win-win parmi tous les partenariats, notamment par rapport à la reconnaissance métier, professionnelle ou interprofessionnelle que ça amenait, il y avait beaucoup de questions d'auto-limitation de chacun des partenaires en fonction de pourquoi est-ce qu'il était là. Je suis là parce que j'apporte mon expertise et je ne vais pas m'engager dans la pédagogie, par exemple. Donc très peu de mélange dans la construction pédagogique des programmes. Et la dernière chose que l'on a vraiment pu noter, c'est que les équipes inter- et transdisciplinaires mettent en place à la fois une remise en question réflexive une fois que les étudiants se sont construits autour non seulement du micro, du méso et du macro, ils ont souvent une meilleure expertise transdisciplinaire que les enseignants, que l'équipe enseignante qui était restée dans sa propre expertise, qui ne s'est très peu mélangée. Et la dernière chose, c'est que les barrières culturelles au niveau des étudiants s'effacent très peu et que chaque étudiant continue à la fin de la formation à être considéré autour de sa discipline d'origine. Alors moi je voulais vous présenter certains éléments, certains résultats intermédiaires liés plutôt au monde de la recherche. Je sens que je viens d'avoir mon carton rouge, donc je ne sais pas si je vais me lancer vraiment en détail là-dedans. Ce que je voulais vous présenter ici, c'était le panorama académique suisse très brièvement, en vous montrant que bon, comme en France, on a différentes institutions d'enseignement et de recherche, enfin, surtout de recherche dans mon cas, les universités bien sûr, les hautes écoles qui sont plus professionnalisantes, haute école sur le paysage, haute école sur le social, les infirmières, etc. Et on a évidemment les écoles polytechniques, on a aussi les universités privées qui pourraient être aussi intéressantes en termes de légitimité, je ne vais pas revenir dessus. Et l'idée, c'était de vous montrer un peu, en termes de légitimité, quels sont les conflits qui peuvent apparaître entre ces différentes institutions, et surtout évidemment entre les acteurs qui collaborent à ces différentes institutions. Sachant par exemple, ben là je vais commencer par l'image, hein, on parle enfin, de représentation, voire même de discours, on a toujours cette idée en Suisse qui est un contexte qui est en train d'évoluer, que finalement les hautes écoles ne produisent pas du savoir académique, sont plutôt des universités de seconde zone comparées aux universités qui sont elles légitimes à produire du savoir académique. Alors qu'en opposition, on a une nouvelle dynamique qui se développe, plutôt que de se présenter comme des universités de seconde zone, plutôt d'essayer de faire la même chose que les universités, on a un discours dans les hautes écoles où nous on est légitimes. Pourquoi ? Parce que en opposition aux universités qui sont finalement des tours d'études d'ivoire, nous on produit du savoir professionnalisant. On produit du savoir qui permet après une professionnalisation, à la différence des universités. On a bien sûr des ressources qui sont des limites assez importantes, c'est-à-dire que les acteurs académiques, les professeurs, les chercheurs des universités en Suisse ont beaucoup plus de ressources financières et temporelles à disposition pour mener de la recherche, pour écrire des articles. Pour vous donner un exemple, dans les hautes écoles, on a ce qu'on appelle le socle, qui est une sorte de petit budget attribué aux professeurs des hautes écoles pour qu'ils puissent faire de la recherche. Donc finalement, pour écrire un article, on va pointer. Hein. On va dire, bah, aujourd'hui, j'ai mis 1h15 pour écrire mon article, et puis je vais le noter, puis je vais envoyer à l'administration. Ce qui n'est bien sûr pas le cas des professeurs d'université. Ceci a un gros impact sur les plans de carrière, parce que quand vous allez après postuler pour des financements, surtout au Fonds National Suisse de la Recherche, évidemment, on va regarder vos publications, et on est un peu dans un cercle vicieux où peut-être un cercle vertueux pour les profs universitaires qui ont plus de publications, plus de ressources et toujours plus de ressources. Voilà. Il y a toujours ce qui est associé à l'intérêt, c'est-à-dire que les universités finalement auraient une recherche plus neutre qui ne serait pas orientée par des intérêts par exemple liés à l'industrie, alors que les écoles polytechniques fédérales n'ont pas du tout ce problème, hein. Elles se sont tout à fait légitimes à aller travailler avec Nestlé et compagnie, et on a un peu les hautes écoles qui se situent un peu au milieu, qui sont aussi très orientées par le politique et puis qui travaillent peut-être plus avec des des privés. Donc tout ça pose évidemment la légitimité du savoir, hein, le savoir en tant que justement, on parle aussi de bien commun par exemple. Est-ce qu'on peut faire la différence entre ce savoir académique, ce savoir professionnel? Et surtout, je vous disais que cette situation est en train d'évoluer. Parce que par exemple, pour vous donner un exemple très simple, depuis avant, pour être professeur dans une haute école, on n'avait pas besoin d'un doctorat, on pouvait venir de la pratique et tout, et c'est toujours le cas, mais de plus en plus, les hautes écoles vont quand même commencer à engager des professeurs avec des doctorats, donc on voit que cette question de la légitimité de l'acteur académique et puis du statut, de la formation, etc., se pose. Hein. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps. Juste pour conclure, on voulait montrer que cette question, que ces limites qu'on observe, hein, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse au premier rang, c'est les limites à l'intégration d'acteurs non académiques. On voit ces limites quand on parle d'enseignement ou de recherche, elles sont assez différentes. Par contre, ce qui nous a vraiment intéressé par rapport à la réflexion de cette conférence, de ce colloque, c'est que finalement la légitimité, c'est une limite transversale qui apparaît autant dans l'enseignement que dans la recherche, même si elle apparaît suivant des modalités différentes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir tenu presque le temps, mais vous êtes Dieu, je m'excuserai. Je vous rappelle qu'on prend les questions après les deux interventions. Donc je passe la parole à Coralie et à Gaëlle pour leur intervention. Il faut prendre leur montant. On peut par là. Peut-être jouer des chaises musicales, ça sera plus simple. Et si vous voulez. Tu veux que je vous décale ? Il y a le micro, hein ? Bonjour à tous, merci aux organisatrices et organisateurs du colloque. Donc, je m'appelle Gaëlle Doncin, je suis sociologue et nous allons vous présenter donc, à deux voix avec Coralie Mounet, géographe, une communication sur les conseils scientifiques dans le champ de l'action publique environnementale et les différentes formes de légitimité qui se rencontrent et coexistent dans un processus évolutif. Donc les conseils scientifiques dans ce champ d'action publique environnementale sont des instances pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles qui sont adossées à une institution environnementale, que ce soit un office, un conservatoire ou un espace naturel protégé, et qui visent à appuyer l'institution dans ses activités de connaissance et ses opérations de gestion du territoire. Donc ils produisent majoritairement des avis consultatifs, mais aussi toute une autre gamme d'activités, que ce soit du conseil diffus, de la formation ou des sorties de terrain par exemple. Donc les membres sont recrutés par cooptation, donc sur leur expertise présumée, et donc leur légitimité, comme on le disait là en introduction, provient bien d'un système légal rationnel et donc plutôt d'en haut, puisqu'ils sont désignés pour un mandat validé par l'administration. Mais les espaces protégés ont recouru de façon massive aux scientifiques pour se légitimer aux yeux du public et des politiques. Et donc le conseil scientifique, comme une forme de dispositif d'enrôlement des scientifiques, confère donc un poids aux espaces protégés sur leur territoire et donc une capacité d'action, une légitimité. Il y a aussi une troisième dimension à ces questions de légitimité dans les conseils scientifiques, et celle à l'intérieur du collectif des membres et comment les légitimités se construisent entre participants, et c'est sur celle-là qu'on va s'appuyer aujourd'hui. Donc notre communication, elle s'appuie sur le cas d'étude du conseil scientifique du Vercors et qui est à la fois commun pour le parc naturel régional et la réserve naturelle nationale. Donc on s'appuie sur ma thèse que je viens de récemment soutenir et où j'ai mené une ethnographie de plusieurs années sur ce conseil et ses participants, mais aussi sur des cas d'études et des sujets particulièrement importants pour ce conseil scientifique. Et donc des enquêtes qu'on a menées avec Coralie, qui est elle-même membre de ce conseil scientifique. Donc je suis venue avec mon sujet d'étude aujourd'hui, et elle m'y parle, donc j'en suis très contente. Et donc on va se concentrer aujourd'hui sur le mandat de 2015, qui a été l'occasion d'un renouvellement qui a été l'occasion d'un fort renouvellement de sa composition, qui a été demandé en fait par le président du conseil et le gestionnaire et conservateur de la réserve et les chargés de mission, qui ont voilà, voulu opérer un fort renouvellement qui se traduit par deux caractéristiques importantes, qui sont premièrement la présence de plus en plus importante des sciences humaines et sociales dans ce conseil scientifique, puisqu'elles atteignent avec ce nouveau mandat quasiment 40%, donc que ce soit des sociologues, géographes, économistes, historiens. Donc vous pourriez me dire 40% en fait c'est pas tant que ça, mais il faut savoir que dans les autres conseils scientifiques en France, de ce même de parc ou de réserve, on est plutôt à 12% de sciences sociales. Donc là il y avait vraiment une volonté importante. Et la deuxième, caractéristique importante, c'est le fait qu'il y a des représentants donc experts des mondes socio-économiques qui sont arrivés dans ce conseil, notamment une représentante de la Fédération de chasse des chasseurs de la Drôme qui est arrivée et donc. De l'Isère, pardon. Ouais. L'experte me dit non, c'était pas la Drôme, c'est l'Isère. Qui est donc un peu une petite révolution dans ce conseil scientifique plutôt écolo vu de l'extérieur, d'avoir voilà, un représentant des chasseurs qui siège et qui prend part à la discussion avec les experts. Donc à partir de ces deux caractéristiques du nouveau mandat, se posent des questions et des évolutions sur ces questions de légitimité et on va voir par notre présentation où pose ces problèmes de légitimité, où elles se négocient, notamment dans la construction d'espaces de collaboration, mais aussi de zones de tension. Et ces constructions ces nouvelles légitimités, ces nouvelles expertises, elles dépendent du contexte et d'injonction publique et donc liées au territoire, mais pas que Coralie va vous présenter maintenant. Alors, donc cette recomposition du conseil scientifique se passe dans un contexte d'évolution des besoins des gestionnaires du parc et de la réserve du Vercors. Et donc Gaëlle l'a dit, le conseil scientifique répond à un besoin de légitimation, à un impératif scientifique, mais le gestionnaire fait également face aujourd'hui à d'autres impératifs ou tendances, d'une part un impératif délibératif qui passe notamment par la prise en compte des savoirs locaux dans une logique cosmopolitique, mais également un décloisonnement des espaces protégés dans une perspective de connectivité des territoires. Sur ces questions de connectivité, il ne s'agit plus de penser les espaces protégés comme des îlots, mais bien de manière connectée, et ça amène à prendre en compte la circulation des êtres de nature, qu'ils soient de remarquables ou ordinaires. Et c'est typiquement le cas des animaux chassables, qu'on va voir, qui font fi des frontières administratives et qui remettent en question les gestions différenciées qui sont menées dans les territoires. Donc notre questionnement porte sur la manière dont les expertises des membres du conseil scientifique soient nouvelles ou anciennes et leur légitimité sont renégociées dans ce nouveau contexte où le gestionnaire a de nouvelles attentes vis-à-vis du conseil scientifique. Alors, nous nous appuyons notamment sur deux cas. Le premier, c'est un programme de prélèvement, c'est pas logique, mais un programme de prélèvement d'oiseaux qui sont par ailleurs chassables, des gélinottes, dans la réserve pour les réintroduire en Espagne dans le cadre d'un contre-don d'une relation France-Espagne où l'Espagne avait fourni des bouquetins à des espaces protégés français. Et puis le deuxième cas, c'est un projet de refonte du règlement intérieur de la réserve avec la prise en compte des demandes de chasseurs pour permettre un accès plus aisé à la réserve et notamment un prélèvement plus efficace. Alors, dans les deux cas, ces projets sont issus d'une injonction politique qui vient d'en haut. Dans le cas de la chasse, on a une injonction préfectorale de prendre en compte les activités socio-économiques et donc la demande des chasseurs et la nature ordinaire en prenant en fait en considération finalement, à l'inverse de la logique habituelle, l'impact d'une réserve sur la périphérie et sur le fonctionnement de la périphérie. Et dans le cas de la gélinotte, il s'agit de prendre en considération l'injonction politique et prendre en considération l'importance des enjeux nationaux de relations avec l'Espagne. Alors, premier résultat, avant de rentrer dans le détail des négociations des légitimités entre membres du CS, on peut avoir une lecture de la manière dont le CS s'est positionné en tant qu'expertise collective. Dans le premier cas, donc, le conseil scientifique a pris en compte la question sociale, selon l'injonction, mais a aussi en quelque sorte contrebalancé cette injonction politique en replaçant la question de la chasse dans la problématique d'un espace protégé qui se soucie des dimensions écologiques. Et là, il s'est positionné plutôt dans une légitimité d'en haut vis-à-vis du contexte socio-économique. Et dans l'autre cas, le CS est positionné plutôt dans une légitimité d'en bas, en avançant l'importance des spécificités territoriales vis-à-vis d'un intérêt général qui serait au-delà du territoire. Alors maintenant, nous allons aborder la manière dont ces deux cas... Donc pour la vie sur la gignotte, c'était plutôt prononcé de façon défavorable à ce programme. Ouais, et pour la chasse, pour le règlement intérieur, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas eu d'avis en soi, mais peut-être c'est bien. Trop dedans. Donc la manière dont l'intégration de ces nouvelles expertises ont été intégrées et négociées. On va commencer par le côté positif avant d'attaquer les tensions. Ces scènes de négociation, donc ces deux cas, montrent des scènes de négociation où on a finalement différents registres de légitimation. D'une part, par l'intégration des idées, des concepts, et puis des valeurs ou des principes autour de la réserve. C'est une forme de légitimité autour de la connaissance, finalement. Et donc l'évolution des problématiques que j'ai présentées dans la diapo précédente montre une prise en compte des dimensions socio-économiques et une compréhension de ces enjeux qui a été permis par les nouveaux membres. Et puis, on voit, dans cet extrait, l'échange de connaissances sur la chasse, comme sur les relations faune sauvage chassée et biodiversité remarquable, qui a fait évoluer les postures des experts. Là, on voit que l'expert de chasse a intégré le fait que le sanglier pouvait avoir un effet positif et pas simplement négatif sur la réserve. Deuxième forme de légitimation, c'est par un effet des postures des acteurs au sein du conseil scientifique, et on a une forme d'intégration des nouveaux membres dans des réseaux de proximité, donc de l'ordre de la sociabilité. Alors ça passe par les jeux d'alliance. Dans le cas de la Géinote, alors que certains se sont opposés autour de la chasse, dans le cas de la Géinote, on a les experts cynégétiques et naturalistes qui se sont alliés pour s'opposer au projet. Et puis, on a également des effets de reconnaissance réciproque. Comme dans l'extrait d'entretien, on est dans une forme de relation de proche, de légitimité liée à la proximité et à la quotidienneté et l'habitude de travail. Et enfin, une légitimité par la production, par l'action en fait, ensemble, par la co-construction d'expertise, comme dans le cas de la chasse. Ce cas ça a débouché sur une convention entre le monde cynégétique et la réserve. Donc, on attaque les tensions. Merci. Donc, il y a à peu près on a retenu trois zones de tension principales avec ces deux cas un peu emblématiques là, de ce nouveau mandat, où se sont un peu cristallisées certaines tensions sur les questions de légitimité. La première, c'est le fait d'avoir l'intégration de ces nouveaux experts un peu atypiques. C'est on a senti de la part de certains spécialistes de l'écologie, donc que ce soit des naturalistes ou des chercheurs en écologie, des formes de concession de leur légitimité à cause de l'entrée de ces nouveaux acteurs, qui est probablement donc à un rétrécissement de leur champ d'intervention. Ce ne sont plus les seuls à pouvoir intervenir sur qu'est-ce que c'est l'écologie, qu'est-ce que c'est la conservation de la nature. D'autres s'en chargent avec eux. Et une nouvelle caractéristique aussi, c'est l'irruption de nouveaux sujets dans le débat et dans l'argumentation, comme l'urbanisme, donc qui était un sujet qui avait été déjà traité par ailleurs dans le parc naturel régional, mais qui là prend une importance plus importante dans ce conseil scientifique, du fait par exemple de la présence de spécialistes de l'aménagement ou d'économistes, et qui est donc un peu critiqué, comme on voit là dans cet extrait d'entretien, où est-ce qu'on se demande si le rôle de ce conseil scientifique est bien là. Et avec l'irruption de l'entrée de ces nouveaux acteurs, on est aussi dans la destruction du mythe d'une expertise qui soit purifiée, sans prise et sans attache, objectif, selon les termes employés, en disant qu'on arrivera à produire une expertise complètement indépendante, à la fois du territoire, de ses prises, de ses engagements, et le fait d'avoir des chercheurs en sciences sociales et des représentants des mondes économiques, ça forcément complexifie le problème et donc détruit un peu ce mythe classique. Deuxième zone de tension, c'est celle liée à la place des sciences sociales donc dans ce conseil scientifique. Alors ce qu'il faut noter, donc je vous l'ai dit, on est plutôt maintenant à 40% là, de chercheurs en sciences sociales dans ce comité, mais on se rend compte que bon, il y a, dans ces conseils scientifiques, classiquement, traditionnellement, il y a un absentisme de certains membres. Et ce qu'on constate, c'est que les chercheurs en sciences sociales qui participent, donc qui viennent régulièrement aux séances, on a environ 3 par an de ce conseil scientifique, ont quand même une participation assez faible dans les échanges directs des séances plénières, ou plutôt ils interviennent majoritairement en coulisses, c'est-à-dire dans des réunions particulières qui sont annexes aux séances plénières, et se posent donc pour certains l'utilité de leur présence dans des débats qui sont encore majoritairement tournés sur les sciences naturalistes. Se pose pour ces chercheurs aussi un problème de savoir finalement quelle est leur expertise et quelle est leur légitimité pour parler. Alors il y a donc des formes d'incompréhension qui se posent dans ce que le gestionnaire ou les autres chercheurs ou les autres acteurs du conseil scientifique peuvent leur demander. Des fois on leur demande de venir et de se placer comme médiateur, participer à la concertation, faire de la médiation. D'autres fois, ils sont vus comme des conseillers un peu du prince, donc c'est-à-dire de pouvoir intervenir dans les jeux politiques, dans les jeux d'acteurs d'un parc naturel régional, et je sais qu'il y en a. Ou des fois, on les voit aussi comme des experts seulement des humains et non pas des non-humains, donc ils pourraient parler uniquement sur des processus sociaux ou des personnes, alors que, comme dans cet extrait d'entretien, une sociologue dit bah, « Non, moi aussi, je suis spécialiste aussi des animaux, des plantes, et je peux parler des non-humains. » Un dernier flou ou une dernière question un peu inconfortable et qui pose question de leur légitimité à ces chercheurs en sciences sociales, c'est de savoir s'ils sont, donc c'est lié à la précédente, experts de leur objet d'étude, donc comme Coralie par exemple qui travaille beaucoup sur la chasse, ou experte de ces processus. Est-ce que Coralie, donc est là, est-ce qu'elle va parler dans le conseil scientifique en tant que connaissant le contexte cynégétique local, elle peut dire bah oui, il y a tel type de pratique de chasse, ou est-ce qu'elle est plutôt experte de ces processus? Là, il y a un flou qui demeure et qui peut être parfois inconfortable pour construire sa légitimité. Une dernière zone de tension, elle est liée à la légitimité en construction des représentants des mondes socio-économiques, donc de la forêt, de la chasse ou du pastoralisme. Puisqu'ils sont nommés dans ces conseils scientifiques, donc par arrêté préfectoral comme personnes, non pas comme représentants de leurs organismes, mais ça pose toujours question de est-ce qu'ils peuvent prendre la parole quand on va aborder un sujet qui tient, je ne sais pas, l'exploitation du bois dans la réserve, comme par exemple avec Carole qui travaille à l'Office national des forêts, où on voit bien que bon, ça reste compliqué à tenir comme posture. Notamment par le fait qu'ils multiplient leur appartenance, ils sont donc à la fois experts, à la fois travaillant dans le territoire, ils participent aussi parfois à des projets de recherche avec certains membres du conseil scientifique sur ce même territoire, donc il y a un peu une forme d'empilement des appartenances. Et en raison du fait que les conseils scientifiques sont des instances assez floues et peu normalisées, il peut y avoir aussi des problèmes de légitimité qui se posent, assez peu frontalement pendant les séances, mais qui peuvent se poser en coulisses ou au moins dans la rédaction après des avis. Et enfin, se pose la dernière question qui se pose à ces acteurs et qui fait écho à la présentation précédente, comment avoir cette posture d'expert et donc de scientifique parmi un collectif de chercheurs, parce qu'on est quand même à plus de 60% dans ce conseil scientifique et quand même composé de chercheurs, donc comment avoir cette place de scientifique, certains se disent scientifiques, d'autres non, en tant qu'experts, parmi ce collectif plus large. Donc, pour conclure, parce que je crois qu'il me reste peu de temps, on peut se dire qu'avec ce cas particulier du Conseil scientifique du Vercors, qui est quand même un peu un exemple pour nous intéressant, mais qui est quand même atypique dans le reste des conseils scientifiques de parcs ou de réserves en France, on voit une superposition de différentes formes de légitimité qui évolue et qui se déplace selon les différentes situations. Je vous ai parlé de ces deux cas un peu emblématiques. Mais finalement, dans la majorité des débats et des sujets abordés, on reste sur une expertise et une forme de légitimité plutôt classique. Donc c'est une zone d'expérimentation qui est assez fragile, qui est liée, comme l'a dit Coralie, à des habitudes de travail, des réseaux personnels particuliers, et avec des effets sur le territoire qui sont assez discrets et qui restent pour nous à enquêter. Voilà, on ne saisit pas encore très bien sur comment ça a pu avoir en effet, ça reste des instances assez confinées, donc le passage aux habitants, aux acteurs, reste difficile à saisir. Un dernier point, c'est qu'on vous a parlé de ces ouvertures à d'autres formes de légitimité de ce conseil scientifique. Ça reste limité aussi, puisque par exemple, on se pose la question de la place des agents de terrain, donc les gardes par exemple de la réserve dans ces assemblées, qui ont une forme de savoir sur le territoire, sur ses pratiques, sur les espèces, sur les humains de ce territoire, et quelle place ont-ils dans ces assemblées. Donc souvent, ils participent. Ils n'ont pas le statut de membre, ils participent à certaines séances, pas à d'autres. Ils échangent souvent, comme on le voit sur la photo, à la fin des conseils scientifiques ou au début, pendant la pause café, ils viennent 10 minutes parler un peu avec les chercheurs. Ils reviennent à la fin, mais on ne les voit pas beaucoup pendant les débats, ou alors ils prennent très peu la parole. Donc ça pose question, on se pose aussi la question de l'ouverture à d'autres types de légitimité et d'autres formes de savoir finalement dans ces instances. Et pour conclure, pour faire un peu écho à ce qui s'est dit hier en disant que en tant que chercheur, on participe aussi à ces processus de légitimation des terrains dans lesquels on est engagé ou des acteurs avec qui on travaille. On peut dire que ma thèse et plus largement le travail qu'on a mené avec Coralie a aussi des effets forcément sur sa manière dont on procède ces dynamiques dans le travail qu'on a mené sur le décryptage de ces deux cas d'études et particulièrement celui sur la chasse, on a fait une communication avec Pierre Aymar là, qui est en photo au conservatoire de la réserve. On a travaillé ensemble un peu à comprendre ce qui s'était passé. Moi, je suis intervenue en tant que chercheuse en résidence au sein de la réserve du Vercors et où j'ai travaillé particulièrement avec un garde, donc Hervé, qui est venu et du fait de ma présence aussi, de plus en plus référent sur ces questions scientifiques, donc a acquis une certaine forme de légitimité auprès du conseil scientifique. Donc c'est ce qu'on peut dire pour conclure sur ce cas, et ça reste à travailler, comme vous voyez. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire circuler le micro. Et une petite photo du Vercors quand même pour terminer. Ouais. C'est le thème. Ah, on n'entend pas. On entend quand même. Si, c'est bon. Je voulais intervenir par rapport aux deux intervenants sur le parc naturel. À partir d'une expérience personnelle, je suis aussi membre d'un conseil scientifique du parc naturel des volcans en Auvergne. Et donc, je vous livre ça comme ça, c'est un tout début d'expérience. Mais en fait, ça, l'arrivée d'un conseil scientifique, parce que c'est tout nouveau dans ce parc, a été sujet à débat, c'est ce qui fait sa richesse, et je vois notamment autour de trois points, la posture du parc avec ses chercheurs par rapport vis-à-vis du politique, parce qu'en fait le parc naturel repose en grande partie, comme tous les parcs naturels, autour d'une présence très forte des maires, des communes qui composent le parc. Donc il y a de part et d'autre des craintes, c'est-à-dire notamment des craintes dans le discours ou la façon de s'exprimer vis-à-vis des maires. Crainte de trop d'intellectualisme d'un côté, crainte de trop de concessions de l'autre. Voilà, on est devant ces problèmes-là, mais ça va prendre son temps. Le deuxième point, c'est la question d'autonomie dans la recherche par rapport aux instances dirigeantes du parc naturel. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une recherche ou est-ce qu'on stimule des recherches extérieures aux objectifs internes du parc, ou est-ce qu'on est dans le cadre de répondre à des demandes précises du parc. Voilà. Deuxième point. Et troisième point. C'est un débat à l'intérieur même du monde de la recherche, effectivement, entre les sciences dites dures et les sciences modestes, les sciences humaines, les sociales. Et en fait, ce débat, il prend appui notamment sur une question essentielle qui est la question de la définition de la nature dans la question du parc naturel. Et là, il y a un enjeu très fort, parce qu'on voit du côté en gros, pour dire très vite, on va de Descola à la vulcanologie. Donc ça veut dire que on a des approches plutôt dynamiques de la question de la nature, pour des raisons on comprend très bien comment on peut fonctionner les sciences sur ce sujet-là, mais on a aussi des conceptions très légitimes des géologues, par exemple, qui ont, eux, une conscience de l'éternité, où nous, on a une conscience du changement. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, et ça a des répercussions sur la vie même du parc. Alors je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut parler là d'une légitimité unique, ou si elle l'est, laquelle est-ce? Est-ce que c'est plutôt, moi je pense que c'est plutôt la légitimité d'un travail collectif que d'une transdisciplinarité. C'est pas prêt parce que, enfin c'est pas encore prêt pour la transdisciplinarité. À mon avis, le fait de travailler ensemble prime encore pour l'instant. C'est trop tôt pour la transdisciplinarité. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je réponds à un point, moi. Je réponds à... Ah oui. Okay. Merci pour vos... Donc, juste, c'est toujours sur le parc. Il y a cooptation, dites-vous, et vous dites également que c'est quelque chose d'exceptionnel que l'arrivée d'autant de sciences sociales et de professionnels non scientifiques. Est-ce que c'est lié à la personnalité du président, c'est-à-dire quelle est sa position socio-professionnelle à lui? Très bien. Merci pour vos questions. Je vais peut-être commencer juste par la dernière parce qu'elle est un peu plus. Je peux répondre un peu plus rapidement. Donc, c'est bien une volonté du président du Conseil scientifique d'avoir vu ce changement en lien avec le gestionnaire conservateur de la réserve. Alors, il avait tenté dans le mandat précédent de faire venir déjà des sciences sociales. Il nous disait dans les entretiens que ça avait plutôt pas marché, qu'il n'avait pas réussi à les faire intégrer. Donc, ils ont retravaillé, repris une nouvelle liste, essayer de prendre des contacts avec certains chercheurs locaux. Voilà, il y a eu tout un travail en amont, un repérage de discussions avec certains chercheurs qui ont réussi à faire venir après et venir membre de ce conseil scientifique. Et lui, sur son parcours professionnel, effectivement, c'est intéressant, et ce qu'on voit dans plusieurs conseils scientifiques, c'est qu'il est agronome de formation, mais il travaille dans un laboratoire de recherche un peu, en tout cas pluridisciplinaire, avec des sciences sociales et des sciences, et plutôt des écologues ou agronomes qui travaillent ensemble. Et on sait que l'agronomie, c'est elle-même une science un peu frontière entre plusieurs disciplines, donc c'est lié aussi forcément à son parcours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça joue aussi. Après, sur les autres questions, c'est assez large, hein, c'est tout l'enjeu et l'ambiguïté de travailler sur des conseils scientifiques. Donc, je serais ravie de partager avec vous mes travaux sur ce sujet, qui sont en fait des instances qui ont été peu explorées jusqu'alors, donc qui posent pas mal de questions, effectivement. Sur le lien avec le politique, on en a assez peu parlé dans ce cas du Vercors. Effectivement, on n'est pas rentré dans ces formes de légitimité. Premièrement, parce que dans le mandat qui est en cours, là, dans le conseil scientifique du Vercors, enfin, dans le Vercors, il y a eu une forme d'évitement du politique, alors qu'il est lié au fait que dans certains cas, les élus n'ont pas volontairement pas sollicité le conseil scientifique sur certains enjeux, parce que par peur de ce que voilà, de certaines raisons que vous avez dit qu'on retrouve tout à fait. De l'autre côté, il y a eu un problème politique, il y a eu un changement de présidence pendant le conseil scientifique, enfin pendant le mandat du conseil scientifique qui a fait voilà, une forme de transformation importante. Donc il y a assez peu de liens entre ces deux entités. Donc c'est important à noter. Sur les questions d'autonomie de la recherche, c'est complexe. Et là, l'enjeu de ces conseils scientifiques, qui ne sont pas des instances d'expertise classiques, qui sont en fait un mélange d'expertise scientifique classique, mais aussi collaboration. On est bien dans ce double registre là, de sciences en société qui se mélangent et qui travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, on vient pour donner des expertises, mais on est aussi là pour collaborer avec les acteurs du territoire, mener des recherches en commun. On retrouve ça dans quasiment tous les conseils scientifiques que j'ai étudiés ou que j'ai pu suivre. Mais voilà, c'est une question qui reste à pour être approfondie un peu plus largement. Voilà, peut-être le courage, je ne sais pas si tu veux répondre sur les questions de nature, ouais, peut-être. Oui, je pense que effectivement, c'est tout l'enjeu, la définition de la nature, c'est ce qui me permet de confronter les différentes expertises. Et je dirais que c'est pas simplement à l'intérieur de la recherche, en tout cas de nous, sur le conseil scientifique, c'est effectivement sciences dures, écologie, sciences sociales et également les acteurs du socio-économique. Et se posent des questions de spatialité différentes. Certes, il y a les temporalités différentes, il y a des spatialités différentes. On n'est pas depuis la placette jusqu'au territoire, jusqu'aux des humains, des territoires des animaux. Etc., des territoires de gestion qui sont au-delà des départements, là, voilà. Et finalement, c'est ce qu'on disait, il y a des formes chaque cas permet de confronter ce qu'on définit, la définition de la nature et les valeurs liées, c'est surtout aussi la question de la naturalité qui revient. Fortement. Et finalement, quelle est la destination de ces territoires ? Est-ce que c'est des territoires d'expérimentation ? Est-ce que c'est des territoires de gestion ? Est-ce que c'est des territoires de réservoirs ou refuges qui posent problème ? Donc, voilà, c'est... C'est l'intérêt aussi, c'est collectif. C'est l'intérêt. Voilà, que ce soit une notion de travail. Et ça se déplace en fonction des cas. Ouais. C'est là en dessous. Non. Donc je me demandais si. Oui, voilà. Je me demandais si il y avait une utilisation de dispositifs de type service écosystémique, c'est-à-dire l'utilisation d'un registre de validation ou de mesure qui va vers la monétisation, notamment service écosystémique culturel, comme élément d'arbitrage. Et ma question c'est qui mobilise ça, comment, et est-ce que ça sert à orienter des formes de discussion d'arbitrage, c'est-à-dire est-ce que ça sert dans un registre que vous pourrez qualifier des evidence-based policies, c'est-à-dire produire des preuves que ceci a de la valeur, que ceci n'en a pas. Alors. Voilà. Et dans ces cas-là, qui le porte comment d'un certain point de vue ? C'est assez. Moi, comme Coralie, on n'est pas spécialiste de la question de service écosystémique, même si effectivement c'est un registre, un langage, une pensée qui est de plus en plus importante dans les espaces, dans la recherche en écologie et donc aussi en lien dans les espaces naturels protégés, notamment autour de Grenoble, avec des équipes de recherche qui développent des programmes de cartographie des services écosystémiques, modélisation qui vont les présenter en conseil scientifique. Ça a été le cas, hein, l'équipe de Sandra. La vraie qui est venue présenter ses travaux au conseil scientifique du parc du Vercors. Après, est-ce que ces registres-là qui sont de plus en plus mobilisés en lien à l'action publique, à la décision publique, c'est le cas, est-ce qu'il y a une forme d'adhésion dans le parc du Vercors sur ces questions-là ou des gestionnaires, c'est encore, ça reste encore limité, c'est quand même pas des valeurs qui font sens pour eux. Ouais, je rajouterai un truc. Je le prendrai plus que comme une manière de produire des preuves et de un moyen d'arbitrage, plus comme un objet frontière et un moyen de discuter. Finalement, il y a les espaces protégés autour de Grenoble, les réseaux académiques se sont regroupés dans une zone atelier qui s'appelle la zone atelier Alpes. Et les zones ateliers en France essaient de mettre leurs objets de recherche dans le schéma des services écosystémiques. Ce schéma-là est utilisé plutôt comme une manière de discuter entre disciplines, jusqu'à dire bah, franchement, moi je ne m'y retrouve pas dans ce schéma, ce qui est souvent le cas, le problème des SHS. Mais voilà, mais moins comme un moyen d'arbitrage. Si je peux juste m'immiscer dans ce débat, et je pense que ce sera peut-être la dernière question pour le parc. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a cherché à savoir quel est le degré de conscience de chacun des experts, quel qu'il soit, de sa propre légitimité ? Parce que vous parlez de tension. Mais les experts eux-mêmes, comment se pensent-ils, comment se meuvent-ils et comment est-ce qu'ils négocient, si c'est le cas, leur droit à être c'est, là. C'est une question qu'on peut poser à tout le monde. Parce que... Comment est-ce qu'ils négocient leur droit ou ils affirment leur droit à être là par rapport aux autres qui sont a priori tout aussi légitimes du coup dans ces procès scientifiques. Alors, c'est une, bon, moi, c'est une question qui me touche de près, parce que je vois même partie d'un procès scientifique, et périodiquement, il m'arrive de me demander ce que je fais là, par rapport à d'autres, qui me semblerait peut-être un peu plus adapté à la situation. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui se dit ici complète nos études de cas, de tout ce qu'on a essayé de mettre en place à travers tous les entretiens, que ce soit dans la recherche ou dans l'enseignement. Là, typiquement, ce dont vous parlez, c'est la question de l'autolimitation de chacun des experts ou de chacune des personnes qui va s'investir dans le rôle pour lequel la personne a été invitée à participer. Et donc, une des conclusions de notre recherche montrait qu'il y avait autour de ces expertises quelque chose dans les acteurs académiques et dans l'académique, dans les experts, dans tout ce qu'on peut appeler expertise. Il y a l'image, le discours et les pratiques. Et donc dans l'image, on construit l'image de l'expert que l'on a en face de soi. On a un discours qui est très inclusif. On dit mais on est tous experts de quelque chose, on a tous les types de savoirs se valent. Mais quand on regarde comment se pratique cette inclusion de savoir, il y a à nouveau la place à la hiérarchisation des savoirs. Et là, à nouveau, le savoir académique va prendre le pas sur le reste. Et d'où le fait où l'expert reste encore toujours cet objet d'étude et la co-construction, hein, quand vous dites la transdisciplinarité, c'est pas pour aujourd'hui, la co-construction ensemble sur des différents types de savoirs qui se construisent reste quand même très difficile. Là, on est totalement, j'ai l'impression d'être dans la continuité de mes entretiens, oui, en fait. Peut-être juste rajouter. Dans le monde de la recherche, cette auto-limitation, elle est aussi assez évidente. C'est-à-dire que bon, la plupart des acteurs non académiques qui sont associés à des projets de recherche académique, ils ne cherchent pas à se présenter comme des acteurs académiques. Surtout quand on leur demande, ils vont dire non, moi je n'ai pas de doctorat ou moi je ne fais pas partie d'une université. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a vraiment des légitimités qui sont différentes au sein même du monde académique, en tout cas en Suisse. Et c'est là où on va avoir des acteurs qui sont des acteurs académiques, ou en tout cas qui sont vraiment directement liés au domaine académique, mais qui vont aller chercher peut-être, on pourrait appeler ça des légitimités alternatives en fait. Et c'est vraiment cette idée de se démarquer du savoir académique en fait, en se disant bon ben nous on n'a pas de doctorat, on n'a pas les armes finalement pour être en compétition avec des universités, donc on va dire nous on produit un autre savoir, et en fait on est presque plus légitime parce que nous notre savoir il sert à quelque chose, en guillemets, parce qu'on va former des praticiens, alors que c'est ce que je disais avant, les universités elles sont dans leur tour d'ivoire. Mais d'un autre côté, on a, je pense aussi, dans le monde universitaire, de plus en plus de chercheurs, de professeurs, qui mettent en avant leur lien au terrain, en disant, nous, non, c'est fini, cette réflexion des années 90, ou les années 80, où on était dans des grandes théories, etc. Nous, maintenant, on est aussi beaucoup plus pratique, quoi. Donc j'ai l'impression que, et c'est là où je rejoins tout à fait Pauline, on a des pratiques, on a des imaginaires, on a des discours qui sont souvent encore assez décalés, en fait. Oui, bah, tout à fait, je suis tout à fait à ce que vous dites. Faut prendre en compte, en tout cas, ces rapports de force, c'est essentiel. On a tendance, des fois, à être un peu lissé quand on utilise ces registres-là d'analyse. On réfléchissait avec Coralie à est-ce qu'il y en a qui se limitent dans nos conseils scientifiques, là. Alors, il y en a certains, ils ne se posent pas du tout leur question de savoir s'ils sont légitimes ou pas. Hein. Pour eux, ils y sont et puis ils y vont, quoi. Que ce soit sur le sujet de la chasse, de l'eau ou de la forêt, voilà, du monument. Et c'est plutôt genré. Et c'est plutôt genré, effectivement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, vous l'avez vu un peu sur les photos, mais voilà, on est quand même dans des instances classiques d'hommes blancs âgés, généralement. Donc, il y a un premier rapport de force important à prendre en compte, et le deuxième c'est effectivement que pour certains membres, là il y a aussi une question de depuis combien de temps d'années participent à ces conseils scientifiques, l'ancienneté qui fait que voilà, certains sont plus légitimes que d'autres à prendre la parole, et certains ne se posent pas du tout la question de savoir pourquoi ils sont là, ou pas, ils sont légitimes, alors qu'effectivement d'autres, et notamment les membres issus des sciences sociales ou des mondes économiques, se posent toujours la question, alors pas directement pendant les débats, plutôt après, en coulisses, en aparté, je sais pas, quand je rentre en voiture avec eux dans le débat, ils disent « Ah ben là, là, est-ce que j'ai... Là, j'ai pas inter... je suis pas intervenue, j'aurais dû, là... est-ce que je ne savais pas si j'étais légitime à parler du sujet du pastoralisme alors que je suis moi-même urbaniste. Voilà, ils posent toujours ces questions-là et cette tension, elle est constitutive à ces instances. En fait, je ne pense pas qu'elle puisse être résolue de toute façon. Voilà. Nicole, Alphonse, ensuite. Oui, donc, au fond, voilà, je voulais mettre dans la position de ma génération. Par rapport à vous. C'est un échange direct des générations. Et au fond, je m'y mets aussi pour deux raisons. D'abord parce que vous avez tous les deux employé inter- ou transdisciplinarité dans les deux réunis. Et donc, à ce titre-là, je voudrais aussi échanger avec vous. Alors, d'abord, au fond, je dois reconnaître que vous avez, les deux groupes, vous avez fait une magnifique performance académique. C'est-à-dire que vous avez vraiment joué le jeu, c'était très bien, et on peut dire que tous les deux groupes, si vous voulez, personnellement, a publié dans une revue de rang 1. Hein, voilà. Donc, au fond, c'est cette position, finalement, que je vais interroger. Hein. Autrement dit, est-ce que pour votre génération, est-ce qu'on va vous confiner complètement à simplement un enregistrement de ce qu'il faut faire pour être un bon académicien, hein, vous êtes, tous les quatre. Hein. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est effectivement, comme nous avions pensé, en parlant de légitimité, qu'il y aurait une déstabilisation qui vous porterait, alors ce que je vais dire, à replacer vos deux interventions dans le contexte politique, y compris de la recherche. Voilà. Parce que finalement, là, moi, j'ai senti l'influence de Coste et l'influence et la dissémination et le ci et le ça, c'est-à-dire un préformatage de notre activité de recherche qui a d'ailleurs une très forte influence européenne, mais dans l'européenne, les Anglais, les Grands-Bretons et les Pays-Bas. Hein, ce sont les deux leaders de notre façon de penser. Alors, les Suisses peut-être participent, j'en sais rien, je pose la question. Et puis finalement, pour le parc du Vercors, vous avez très bien montré justement les différentes légitimités. Donc, au fond, vous avez analysé. Mais, en un sens, ça n'a pas une relation avec finalement la façon dont vous traiterez du rapport entre politique et recherche. Ce sera forcément un petit peu à côté. Voilà. Donc, je m'arrête là, mais au fond, est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui, on ne forcerait pas à nous engager dans une recherche académique sous prétexte qu'on fait de la transdisciplinarité et sous prétexte qu'on se mélange avec des acteurs soi-disant de l'académie, mais au fond, dans chacun de nous, nous avons une personnalité qui est elle-même non académique. Voilà. Alors merci beaucoup pour cette question. Hein. Je vais peut-être prendre la parole parce que alors merci de dire que ça peut être publiable dans un rang A, mais justement, je crois que c'est un petit peu là tout l'enjeu. Hein. Le mot alibi pour le financement inter- et transdisciplinaire est revenu un nombre incalculable de fois dans notre recherche, bien sûr, puisque aujourd'hui on doit être interdisciplinaire, on doit être transdisciplinaire. Et quand on parlait d'acquérir la légitimité au niveau des académiques qui participent dans la coproduction et pas seulement dans l'analyse de l'objet de l'expérience externe, mais qui vraiment s'implique le plus, très très souvent on est face à justement des personnes qui n'ont pas le dossier académique, le profil du dossier académique prof, etc., et qui justement vont trouver leur légitimité, ce que disait Patrick tout à l'heure, dans le fait que oui, mais nous on est plus dans la pratique, on est plus dans la compréhension du monde réel, et donc à partir de là l'auto-investissement dans ce temps de construction du réseau, de construction avec les liens avec le monde réel, finalement c'est ce qui va justifier après notre place dans le monde académique. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, dans l'imaginaire, se produit des découpages hiérarchiques à l'intérieur même du monde universitaire en disant « vous avez de toute façon les profs qui sont en place ». Et ceux qui ne savent pas faire de la recherche font de l'enseignement. Ceux qui ne savent pas faire de l'enseignement enseignent l'enseignement. Et puis ceux qui ne savent pas enseigner l'enseignement, ben, ils font de la pratique. Donc on a une espèce de... Je parle bien d'imaginaire, là, bien sûr. Hein. On est dans l'imaginaire de tout ça. Et du coup, mais au-delà de ça, là, quand vous parlez de formalisme au niveau de la mise en place, etc., On doit financer la recherche, on doit trouver des projets de recherche, et ces projets de recherche, justement, ils doivent être dans un certain formatage. On est d'accord là-dessus. Maintenant, l'idée même de notre recherche est de dire, mais comment est-ce qu'on arrive à transformer ces pratiques-là? Et la question qui se pose dans notre recherche, plus fondamentalement, c'est est-ce que le fait d'intégrer des gens qui ne sont pas sous ces contraintes institutionnelles là dans les modes de financement et d'évaluation de ces projets ne serait pas une manière par la suite de transformer petit à petit d'innover dans les pratiques et de montrer que au niveau des résultats il y aura sans doute des transformations dans les modes d'enseigner ou dans les modes de faire la recherche. Et on voit autour de la science citoyenne ce genre de choses quelques petites transformations justement. On vous laisse répondre et oui. Nicole vous laisse. Est-ce que je peux échanger? Oui, ben, vas-y Nicole. J'échange directement. Parce que finalement, peut-être que la question principale, d'ailleurs, qui aurait pu être celle que nous avions voulu peut-être faire venir Frodman sur Sustainable Knowledge, Fairway of Interdisciplinarity. Pourquoi? Parce que finalement, disons qu'il revient, de mon point de vue, c'est mon interprétation, il revient à ce qui est le fond même de la recherche, si vous voulez. C'est-à-dire, quelle valeur heuristique et quelle utilité sociale avons-nous? Voilà. C'est ça, le fond des choses. Et donc, en tournant autour du pot, en nous faisant tourner autour de certaines questions, etc., nous oublions, si vous voulez, que notre principe du métier lui-même, c'est ça. Est-ce que nous sommes capables d'aller vers des découvertes, donc autour de problèmes qui sont ignorés et inconnus? Et deuxièmement, quelle utilité sociale nous avons? C'est-à-dire comment nous la pratiquons? Et donc c'est ça qui reste le fond, si vous voulez, de... Alors, moi, je vous dis ça, c'est comme un échange. C'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout une critique. C'est une façon de dialoguer avec vous comme on l'a fait avec Pascal Lombard tout à l'heure. C'est-à-dire, moi je pense que notre devoir, enfin, en tout cas des générations C'est finalement de repos. Ça ne veut pas dire que nous, on a réussi, hein. On n'a pas réussi, hein. On n'est pas ça. Mais qu'il faut quand même revenir à cette tour. Et donc ne pas se perdre entre l'idée, est-ce qu'en intégrant des mondes académiques, on va y arriver. Mais essayons d'y arriver par notre propre volonté, par notre propre intention, si vous voulez, essayons d'y arriver, y compris avec nos propres, y compris avec notre attitude genrée, avec tout ce dont on dispose dans notre capital personnel et collectif. Essayons finalement d'aller vers les questions qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas connues. Hein. Et alors là, c'était un peu l'idée de la déstabilisation par l'idée de légitimité. Et en fait, vous en avez fait comme une sorte d'analyse. Voilà, c'est ça. Bon. Bien. Moi j'avais une question à poser, mais c'est trop tard parce que je vais vous laisser. Non, mais je vais vous laisser répondre parce que vous aviez le micro, puis ensuite on a. Allez-y. Merci pour cette question. Juste peut-être deux manières de répondre. D'une part, sur la question de l'utilité sociale, finalement, il me semble que ne serait-ce que par l'analyse. Et la complexification de la lecture du monde, une utilité sociale, même si le lien n'est pas forcément évident. Et donc, voilà. Deuxième point, là, nous sommes dans une scène académique, donc nous avons joué le jeu de la scène académique. Mais il y a différentes modalités d'existence. En tout cas, moi, je le vis comme ça. J'ai différentes modalités d'existence en tant que chercheur. Et j'ai des tactiques par rapport à la politique de la recherche, où il va y avoir du publiable tout de suite, etc., et du temps long par exemple, moi, j'ai mené une recherche-action avec la Fédération des chasseurs de l'Isère. Ça m'a pris 4 ans. C'est un truc qui est impossible à passer sur des ANR, c'est sur du financement de la part du monde de la chasse. Et c'est une co-construction qui a été tellement longue et je commence à peine à tirer des enseignements d'un point de vue académique, mais en revanche j'ai fait bouger l'action du point de vue des acteurs. Donc il me semble qu'on a différentes modalités d'existence et il faut jouer avec ça parce qu'on se laisse des marges de manœuvre et le lien avec la politique est là. Et le lien avec la politique, c'est gay, ça, c'est sa thèse. Ouais, c'est ça aussi. Alors, c'est pour moi, travailler, donc moi, c'est mon sujet d'étude, hein, de travailler sur ces liens entre science et politique, la politique de façon générale, parce que les experts dans la société, c'est une façon de travailler sur la politique et comment la société a recruté ses experts, elle les nomme et les légitime, et à quel point ils jouent sur la décision publique. Forcément, c'est un peu moins attractif que d'aller travailler sur l'agriculture urbaine ou des formes, de comme on a pu le voir hier, d'objets ou de sujets qui sont bien plus porteurs, innovants, ce qu'on a pu dire, il y a les mots innovation qui sont ressortis, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est pas là où je me situe. Après, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que jeune chercheuse, les politiques de la recherche et les formes d'évolution, on les ressent, mais alors là, personnellement, on est sur la précarité, parce que là, voilà, on vient des colloques sans être financé. Donc c'est le cas aujourd'hui, hein, pour moi. Donc forcément, ça pose question aussi sur à la fois notre posture sur les objets qu'on étudie, mais aussi de comment on se place dans l'académie. Après, tenir une position comme ça a pu être présenté ce matin, de travailler en recherche-action, de s'engager dans des modes, alors je ne sais plus le monde coopératif ou de formes différentes de la recherche en tant que jeune chercheur, pour exister, c'est très difficile. Voilà, clairement. Moi, j'aimerais tellement pouvoir le faire, mais ça reste. Ce que je vois, c'est que ce sont des gens ou des chercheurs plus installés qui arrivent à ces positions-là. Ouais, donc, ça, c'est important à le dire aussi. Et je pense que l'injonction à l'interdisciplinarité, à la transdisciplinarité aujourd'hui sur les jeunes chercheurs, c'est les jeunes chercheurs qui le font, mais les institutions ne reconnaissent pas et ne trouvent pas de poste, et c'est quand même un sacré problème. Et ça devrait être plus des gens installés depuis longtemps et qui sont installés disciplinairement. Et que le problème est que l'interdisciplinarité est faite par les jeunes chercheurs alors qu'on ne leur donne pas de poste parce qu'ils sont interdisciplinaires. Mon Dieu, vous avez un parcours. Une fois qu'on est installé, on peut être interdisciplinaire. Là, tout le monde est d'accord. Donc je propose qu'on clôt cette table ronde. très chaleureusement quatre. Oui. Et les débats qui ont pu, de manière très horizontaux, se créer. Merci infiniment. Merci. Merci.